Chapitre 9e, à propos de marmite. Le vendredi suivant, jour de repos hebdomadaire, le ramassage des immondices éparses et le nettoyage est accompli par Saïd. Il est aidé par Silhafid, Karim et Akli. En même temps, l'amoureux des arbres, Siamid, et le coiffeur Rachid placent des bancs rudimentaires en bois sur quelques points de la place. De son appartement, du trou de surveillance donnant sur la place, Zahra observe la scène. Tout à coup, elle se couvre de son voile noir et sort. En passant devant la charrette du marchand de fruits, elle entend une discussion. Elle s'arrête et l'écoute. En cela, elle applique les consignes fournies par son supérieur, tout écouter afin de tout rapporter. Très agréablement surprise, trois vieilles femmes, l'une s'appuyant sur un bâton, assistent à la scène de nettoyage et d'installation de bancs. « Finalement, dit la première, des gens savent ne pas attendre l'action de Dieu ou de l'État pour améliorer la vie. » Omar, le marchand de fruits, n'est pas de cet avis. Tout cela est fait pour détourner les gens de Dieu et de la mosquée. Il s'adresse en particulier à la femme qui a parlé. Plus grave encore, cela t'a porté à blasphémer en offensant Dieu. La vieille femme proteste avec une fermeté polie. En quoi ai-je offensé Dieu? N'a-t-il pas dit « Aidez-vous, je vous aiderai ». Têtu, le marchand secoue vivement sa tête en signe de désapprobation et réplique « Allah a d'abord dit « Comptez sur moi ». La vieille femme le regarde d'un air perplexe, puis choisit de s'éloigner. Estimant avoir assez entendu, Zahra continue son chemin. Parvenue dans une petite ruelle déserte, elle s'arrête sur le trottoir, prend son portable et téléphone. Dans son bureau, son chef policier, le visage crispé, écoute sur son portable la voix de Zahra. Elle lui relate les actions sur la place. Une fois la conversation terminée, l'homme forme nerveusement un numéro de téléphone, communique l'information fournie par Zahra, puis demande « Que doit-on faire ?» À l'autre bout du fil suivent quelques secondes de silence. Le policier est très contracté et patiente. Enfin, il entend « Rien !» dit sèchement l'autre voix. « Rien, rien !» Il est inopportun d'intervenir maintenant. Il risque de provoquer une révolte de la population du quartier. En ces temps-ci, trop de choses bouillonnent dans la marmite. Il vaut mieux laisser la pression sortir d'un trou, en attendant le moment propice pour éteindre le feu. Alors on pourra manipuler la marmite sans danger d'explosion incontrôlable. Au même moment, un conciliabule se tient, cette fois-ci dans un angle obscur de la mosquée du quartier. Quatre hommes sont réunis en cercle, assis sur un tapis, loin des regards et des oreilles. Parmi eux se trouve Omar, le marchand de fruits. Tous portent la conventionnelle barbe noire hirsute, leur signe de ralliement. Celui qui semble être le chef déclare, à voix basse, « Nous devons trouver le moyen d'empêcher ce nettoyage et cette installation de bancs. Sinon, les gens du quartier nous échappent. C'est à nous d'avoir ce genre d'initiative. Ainsi, nous occuperons les gens et le terrain. Que faire alors ? » demande un deuxième participant, maintenant que ces autres ont pris l'initiative. « Laissez-moi y réfléchir, » répond le chef, d'un ton résolu.